toujours l'indépendance. Mais il y a bien de cela plusieurs années. Se sont passées. Es-tu indépendant? Amen. Amen. Nous levons nos mains, nous voulons dire merci au Seigneur. Tunainua mikono na kumwambia Bwana asante. Pour ceux-là qui nous ont précédés, qui ont lutté pour cela, mais il y a le plus, il y a celui qui nous a vraiment libéré, donné la liberté lakini, et l'indépendance. C'est celui que nous célébrons, Jésus. Jésus. Il est dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et il ajoute, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité a franchi, le Fils a franchi, il vous donne la vraie liberté. C'est lui que nous célébrons en lui donnant une bonne offrande d'acclamation avec le Mikele Kele. Nos mains, s'il vous plaît. Est-ce frère, vous pouvez seulement le reflet de ce cœur. Le reflet de ce cœur. C'est à la croix. C'est là où les dominations, les principautés, les pouvoirs ont été vaincus. Jésus. Je te dois tout, Seigneur. Je te dois tout, Seigneur. C'est à la croix. À la croix. À la croix. J'abandonne ma vie. Je vénérerai. Pour te depuis des années où ton sang a coulé, tu m'as affranchi, mes péchés. Je te dois, je te dois tout, Seigneur. Je ne peux rien garder, Seigneur. Rien garder. Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas venus ce matin apporter des informations sur ta parole, ni même pas une doctrine. C'est toi que nous voulons présenter. Mais tu es si grand, si vaste, que l'intellect humain, l'humité, ne saurait le faire. Mais gloire soit rendue à toi, Seigneur, par le Saint-Esprit. Tu as dit qu'il nous enseignera, il nous conduira, il rendra témoignage en nous afin que nous puissions le rendre témoignage. Tu as dit, vous recevrez dans votre cœur et vous parlerez à mon peuple. Seigneur, qui a assisté à ton conseil, donne-nous d'assister à ton conseil pour écouter ce que tu délibères, pour écouter tes ordonnances, afin que nous puissions les transmettre. Crois qu'avec des mots, Seigneur, des vocabulaires humains, des fois confondus, mais fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Pour celui qui est venu ce matin affligé dans son cœur. Pour celui qui est venu ce matin brisé. Pour celui qui est venu ce matin dans la confusion. Pour celui qui est venu ce matin sans espérance. Il n'espère plus. Mais toi tu déclares dans ta parole. Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est toi en nous l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Sanctifie ta parole. Le messager n'est pas plus grand que le message. C'est ta parole, Seigneur. Quoi qu'avec cette encre noire sur du papier blanc, ce n'est pas moins ta parole. Elle reste ta parole. Elle restera ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Pouvez-vous rasseoir, s'il vous plaît. Saluez votre frère qui est à côté de vous. Tu lui dis, tu as bien fait de venir. Amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'évêque. Ah, il est évêque, non? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a les gens qui sont sensibles au titre. Ah, et il meurt avec la maladie de titromanie. Non, dans notre famille, nous ne cherchons jamais de titre. jamais de titre. Nous n'avons que faire avec les titres. Mais il est évêque, évêque, c'est celui qui a la responsabilité de plusieurs assemblées. Et il est. Amen. Amen. Non pas seulement par rapport à l'église de l'Arche, mais par rapport aux assemblées de Dieu ici, au nord, Kivu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa chère épouse, qui est ma fille, mais je ne suis pas venu chercher la dot, hein. Je dis, s'il y a des choses qui se font comme ça, il y a quelqu'un qui a dit, si vous voyez une personne qui est forte, qui fait des exploits, c'est qu'il est assis sur le rocher, Jésus-Christ, mais sur la pierre aussi, sa femme. Il y a un problème dans l'église. Ils n'ont jamais acclamé bien pour la femme du pasteur, ni même pas pour ses enfants. Ça, c'est terrible. Écoute, frère, sœur. Celui qui laisse son mari passer des nuits et des nuits au bureau, il a laissé la maison. J'ai trouvé des vestes là-bas. Et si on vous dit d'acclamer, vous n'acclamez pas. Il ne faut pas croire que c'est, ça c'est de l'humilité. L'humilité, ce n'est pas ça. Ça, c'est biblique. Nous devons être reconnaissants. La Bible nous dit, soyez reconnaissants. Amen. Amen. Et à toute l'équipe pastorale, et tous les ministères, l'équipe qui a organisé toujours le mois de tournant décisif. Veuillez trouver ici l'expression de notre gratitude. Moi et toute la délégation qui vient de Kinshasa, nous vous remercions pour cela. L'accueil, l'attention. Et je ne vais pas augmenter les poids. Amen. Amen. Merci beaucoup. Asante, que le Seigneur vous bénisse. Na Mungu awabariki. Et celui qui donne anayepana s'enrichit. Mais celui qui retient s'appauvrit. Dites à quelqu'un, tu es qui? Tu es celui qui donne pour t'enrichir ou celui qui retient pour s'appauvrir? Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est ça le grand thème. Mais nous avons glané comme si aujourd'hui un jour merveilleux avec beaucoup de souvenirs possibles. Nous rendons grâce au Seigneur pour cet homme qui a décidé de quitter son pays. Il est né au Gabon, c'est dans quelques années. Vous savez que le pasteur Jacques-André Vernon, l'apôtre Jacques-André Vernon a été né au Gabon. Et c'est de là qu'il est parti. Son père fut missionnaire. Et le Seigneur lui a parlé de partir avec sa femme, avec les premiers enfants qu'ils avaient. C'est ma sœur est arrivée au Congo. À quel âge? Elle va vous parler. À 4 ans. Elle est arrivée au Congo à 4 ans. Et depuis tout ce temps-là, il a servi le Seigneur dans cette nation. Il est venu non pas, il est venu avec un mandat divin. Et des fois, lorsque l'Église ne nous envoie pas, frères et sœurs, aujourd'hui, lorsque nous voyons des serviteurs de Dieu, quand ils viennent dans le bureau pour nous demander, ils veulent commencer une œuvre, ils me posent des questions comme, j'aimerais avoir des baffres, j'aimerais avoir ça, il faut un hangar, il faut louer quelque part. Moi-même, ceux qui viennent après nous, et que souvent le pasteur le disait, mais allez demander à Sembe. Comment il est allé à Massina? Vous savez, frères et sœurs, que même sous l'arbre, et la faveur de Dieu est sur vous. La bonne main de Dieu est sur vous. Jean-Baptiste, on l'a suivi dans le désert. On va vous suivre s'il y a la faveur de Dieu sur vous. Et c'est ce qu'il a fait depuis des années. Et il a décidé que son corps ne soit pas ramené dans sa nation. Que cela soit inhumé au Congo comme une semence, comme la Bible nous dit que si la semence qui est tombée en terre reste seule, mais si cette semence meurt, elle portera beaucoup de fruits, et c'est ça le fruit. Voilà, quoique les acclamations sont tièdes, mais sans cette semence-là, il n'aurait pas l'arche de l'Alliance Goma. Il n'aurait pas l'arche de l'Alliance aujourd'hui en Australie. Il n'aura pas l'arche de l'Alliance aujourd'hui à New Delhi. Ni en France. Ni aujourd'hui, parce que nous travaillons avec les assemblées de Dieu, les États-Unis, je viens de là. C'est à cause de cette semence. Dieu appelle toujours un homme et sa grâce est sur lui, son appel sur lui, sa grâce sur lui, sa faveur sur lui, et il le multiplie. Dieu a dit dans sa parole, j'ai appelé Abraham seul. Tournez le regard vers le rocher d'où vous avez été taillé. Sur Abraham, Abraham et Sarah sa femme. Na Sarai mke wake. Je les ai appelés seuls. Niliwaita peke yao. Je les bénis et je les multiplie. Niliwabariki na nikawazidisha. Dieu appelle toujours un homme. Mungu anamuita mtu. C'est pourquoi il n'a pas commencé avec la multitude. Ndio maana Mungu haanza kila wengi. Il a commencé avec un homme. Mungu anaanza na mtu. Et de cet homme il lui a joint une femme. Na kwa huyo mwanaume anamtia pembeni mke. Et au-delà de ça, aujourd'hui, il y a la multiplication. Na leo, sasa, kuzidishwa, na kuzidishwa. Le monde est rempli d'un homme. Na dunia inaja, juu ya mtu moya. Amen. Amen. Prenons notre responsabilité. Merci, frère et soeur. Asante, ndugu dada. Vous devez savoir que, vous savez, quelqu'un qui a dit, lorsque nous oublions l'histoire, mutu nous risquons sema, de commettre les erreurs du passé. Hadisi yetu, tunaweza kufanya makosa makubwa. Et souvent, certaines personnes, lorsqu'ils s'élèvent, ils oublient tout, même là où ils sont venus. Na wengi wanapo inuka, wanasahau kwenye walitoka. Ils effacent tout. Wanazima kila kitu. C'est comme si c'est lui qui est le commencement. Ni kama vile yeye ndio alianza. Ça, c'est la malhonnêteté spirituelle et intellectuelle. Ni ukosefu wa haki kiroho na kiakili. Amen. Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Tuchukue Biblia zetu tafadhali. Dans le livre de deuxième chronique. Mambo ya siku ya pili. Le chapitre 7e. C'est un texte que vous connaissez tous. Ni kitabu ambacho tunajua sote. Moi, je lis et vous allez suivre dans votre Bible. Minasoma afu mufate katika Biblia zenu. Le texte que nous pouvons prendre est entouré de ce qui précède. C'est pourquoi il faut lire le texte dans son contexte. Hiyo ambayo tunataka kusoma inakuwa na vitangulizi na nyuma yake. Inaomba tusome yote ili tuielewe katika undani wake wote. Tout ce qui fait lui réussir commence par errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Neno la Mungu nasema yote anayoyafanya yanafaulu, lakini natangulia kusema heri mtu asiyetembea kulingana na mashauri ya waovu. Mais ce texte de si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Lakini hapa tunaposoma inasema watu wanapoitwa kwa jina langu. Est entouré de versets qui précèdent et qui suivent. Pana mashairi na itangulia na pana mashairi na ifata. Et nous lisons. Na tunasoma. Le verset 11e. Kumi na moya. Nous commençons par le verset 11e. Lorsque Salomon y achevait la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y reçut. Vous allez lire dans votre Bible, s'il vous plaît. Mufate kuma Biblia zenu. Je vais prendre mon temps. Suivez dans votre Bible, dans n'importe quel homme. Lorsque Salomon y achevait la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y reçut dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai les ciels, le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, et quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, lisons ensemble. Lisons bien, s'il vous plaît. Lisons bien. Distinctement. Lisons ensemble. Non, nous allons nous lever ensemble. Levons-nous. Levons-nous. Je crois que c'est le poids qui vous empêche de que votre souffle lise bien. Nous voulons crier pour que ceux qui sont là entendent. Si mon peuple. Wow. Si mon peuple, ikiwa watu wangu, encore une fois, Tutasoma tena. Veuillez vous rasseoir. Okay. Et moi, j'ai vu au verset 15. Nashuka. Mes yeux seront ouverts désormais. Verset 15. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Sasa macho yangu itakuwa wazi na masikio yangu itasikia maombi itaofanyika hapa. Les yeux de Dieu. Macho ya Mungu. Et l'oreille de Dieu. Na sikio la Mungu. Mes yeux seront ouverts. Macho désormais. Yangu. Sasa macho yangu itakuwa wazi. Et mes oreilles seront attentives. Na masikio yangu à la prière faite en ces lieux. Maombi itakaofanyika hapa. Maintenant. Sasa. Je choisis. Nachagua. Et je sanctifie cette maison na pour que mon nom y réside à jamais, souligné à jamais. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur et nous disons amen. Amen. Ça c'est notre texte que nous allons naser. Il y aura plusieurs textes qui sont là, mais ça c'est le texte de base. Frères, sœurs, la responsabilité est tellement grande pour nous, jukumu yetu ni makubwa. Peuple de Dieu, qui est peuple watu de Dieu wa Mungu, watu wa Mungu ni wanani? Où est le peuple watu de Dieu wa c'est la question. Yon ndio swali. Est-ce que Dieu a un peuple? Je, Mungu ana watu. Ici dans cette nation du Congo. Katika hii Congo. Cette parole s'adresse d'abord neno hili linaelekea kwanza à Israël. Taifa la Israël. S'adresse comme l'exaucement de Dieu et les promesses de Dieu à Salomon. Ya ahadi ya Mungu kwa Salomono. Après sa prière. Kisha maombi yake. Vous allez lire les versets qui précèdent. Utasoma mashairi na utambulia. Comment Salomon s'est tenu pour prier. Utaona namna gani Salomono alimuomba Mungu. Et le Seigneur a apparu à Salomon. Na Mungu akamtokea Salomono. Et il va dire ceci. Na akamwambia hivi. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, et quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, ce sont des calamités que Dieu peut envoyer. Quand est-ce que Dieu envoie ces calamités? Lorsque son peuple ne marche pas selon sa parole, il permet ça. Dieu n'envoie pas le mal. Dieu n'est pas l'autel du mal. Dieu ne maudit aucune nation. Dieu ne maudit aucun peuple. Mais il arrive, frères et sœurs, où certaines choses nous arrivent, non pas Satan. Souvent nous lui donnons des crédits. Qui n'a pas? La première chose, c'est que nous devons faire, c'est que nous ne pouvons pas oublier qu'il existe. Lorsque nous oublions qu'il existe, il va nous surprendre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, lorsque nous parlons trop de lui, nous abaissons Dieu. Nous diminuons Dieu et Mungu. Nous diminuons l'œuvre de son na Fils. Kazi ya mwana wake Yesu Kristo. Allô? Allô? Il ne faut pas l'ignorer. Musimusahau ya kwamba sinon il va nous surprendre. Atatushtura. Parce qu'il est tellement rusé. Sababu ana ujanja. Il est subtil. Ana ujanja. Qu'il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas aussi trop parler de lui. Vous savez, lorsque vous avez des ennemis autour de vous, des gens qui vous font du mal, et vous parlez trop d'eux, c'est un sentiment, c'est l'expression de la peur, de la défaite déjà intérieure. Et il dit, si mon peuple circuit. Il peut fermer le ciel qui n'est point de pluie. C'est pourquoi il y a un homme qui a prié pour qu'il ne pleuve pas et qu'il n'a pas plu. Plus de 3 ans et demi. Et qu'il a prié et que le ciel s'est ouvert. Je me suis toujours demandé, mais qui ordonne qui? Qui commande qui? Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, qui est ce peuple d'abord? Ce peuple d'abord, c'est Israël. Ce n'est pas nous. Des fois, vous savez, j'ai entendu dans quelques conférences les gens qui parlent mal d'Israël, qui sont devenus désobéissants à Dieu et que Dieu a rejeté Israël et que maintenant c'est le temps de l'église. Non, frère, Dieu n'a pas rejeté son peuple. C'était pour notre bien. C'était pour notre bien. L'endurcissement d'Israël a été pour notre bien. Mais qui est le peuple de Dieu? D'abord, c'est Israël. Disait avec moi, nous allons vérifier avec vous dans la parole de Dieu. Exode 19. Kutoka 19. À partir du verset 4e. Mstari wake wa 4. Voilà ce que Dieu dit. Sikia ile ambayo neno la Mungu nasema. Exode 19, verset 4e. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Et vous amenez vers moi. Amenez vers qui? Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Il a transporté comme l'aigle transporte ses petits. Et quel était le but? Ce n'est pas la terre promise. Il faut vérifier bien dans la parole de Dieu. La terre promise. La Mungu. Non. Ça commence pas par Canaan. Mais Dieu les a délivrés de l'Égypte pour les amener à lui. Wow. D'abord, Dieu ne vous délivre pas kwanza, Mungu akukombo, pour vous faire entrer seulement dans les promesses. C'est pour vous amener à lui. Parce qu'il vous chérit. Sababu anakupenda. Parce qu'il nous chérit. Anatupenda. Pour vous amener à moi. Ili niwalete maintenant, kwa. Si vous écoutez ma voix, écoutez toujours dans la parole de Dieu. Kusikia kila mara ndani ya neno la Mungu. Nous parle d'obéir. Inakuwa nataka kueleza kutii. D'observer. Kuchunguza. Si nous pouvons paraphraser, si vous obéissez à ma voix mukitii et si vous gardez mon alliance, mukichunga adamu vous m'appartiendrez mutakuwa wangu entre tout le peuple. Katikati ya watu wote. Car toute la terre est à moi. Kwa sababu ulimwengu toute la terre est à lui. Dunia yote tout le peuple sont à lui. Watu wote ni parce que c'est lui qui a créé. Aliumba. Mais ici, frères et sœurs, c'est une particularité. Inakuwa upeke. Wow. C'est une particularité inakuwa pour Israël. Upeke. Parmi le peuple, il prend. Watu, anatosha watu. Il a pris ce peuple par qui? Aliwatosha non pas watu. Une masse. Non pas une masse. Si okundi, non, il n'a pas fait comme ça. Hakufanya hivyo. Il a pris un homme. Alikamata mtu. Du nom d'Abraham. Aliitwa Abraham. Qui est venu de Ur de Chaldée. Aliyetoka Uru wa Kaldea. Et quand il est venu, il est arrivé dans un lieu qu'on appelle Shara. Fika mahali panaitwa Sharan. Shara signifie le lieu de petits fruits. Inaeleza ya kwamba ni mahali ya matunda madogo. Le lieu de petits résultats. Ni mahali pa matokeo madogo. C'est là que son père est mort. Ni pale baba yake alikufia. Et quand son père est mort, baba yake alipofia pale, la Bible nous dit Biblia inatuambia que dans ces lieux de petits résultats, katika ile mahali pa matunda dans ces madogo, lieux de terreur, il y avait la mort. Mahali pale paliwa kifo. Dieu va dire à Abraham, Mungu akamwambia Abraham, quitte ta nation, toka mwinchi quitte ton pays, toka mtaifa lako. Je vais t'amener vers une autre nation. Et là, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction. Un homme. Il prend cet homme-là. Et aujourd'hui, nous avons toute une nation. Cet homme-là qui n'a eu qu'un enfant seulement. Isaac. Et Isaac, Jacob. Jacob. Et finalement, aujourd'hui, toute une nation. Et lorsque j'ai lu le discours du premier ministre israélien, je crois que ça a circulé dans les réseaux sociaux. Et moi, je l'ai dit parce qu'il y a un bien-aimé, mais l'a envoyé. Un bien-aimé qui est venu dans notre pays, c'est le rabbin, c'est le grand rabbin de Bruxelles. Il était venu au Congo et il m'a envoyé ce Bruxelles discours. Et quand j'ai lu, avec la souffrance qu'ils ont connue, une nation, vous savez qu'Israël ne célèbre pas son indépendance. Mais Israël célèbre la création de la nation. Amen. On parlait tout à l'heure là en venant avec Maître. Ils ne célèbrent pas l'indépendance. Ils ont été colonisés, la Palestine a été colonisée par les Anglais. Ils sont partis. Ils ont laissé dans une nation, dans la confusion, dans tout ce qui s'est passé. Et maintenant Israël était devenu wanted. Poursuivi partout. Dispersé à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Mais là où ils sont, partout ils sont dispersés. Vous trouverez des synagogues. Ils cherchent Dieu. Ils prient Dieu. Quoi qu'ils servent dans n'importe quelle nation, ils rentrent dans leur nation pour servir dans l'armée. Il y a toujours une année qu'ils mettent à l'écart pour aller dans leur nation, aller servir leur nation. La création. Frères et sœurs, aujourd'hui, que nous ne célébrons pas l'indépendance. Mais que nous puissions célébrer la création. Parce que nous nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. C'est là que nous sommes. Amen. Amen. Oui. Et Dieu dit quoi? Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi un royaume. Non pas une religion. Mais un royaume. Israël. Dieu voulait Israël un royaume. Parce que c'est un peuple royal. Un peuple qui a un roi. Et Dieu voyait le royaume. Dieu ne voyait jamais un pays. Même si Israël aujourd'hui est un pays, mais Israël c'est un royaume. Et très bientôt ce royaume va s'établir. Parce que le roi des rois revient bientôt. Amen. Amen. Voilà le peuple de Dieu. Et c'est ce peuple-là qui est pris parmi le peuple que Dieu a amené à lui. C'est ce peuple-là que Dieu dit, si ce peuple sur qui mon nom est invoqué. Bien entendu, vous avez entendu ce qui se passe. Le Congo a des promesses, frères et sœurs. Hein? C'est un pays qui est issu de quoi, ainsi de suite. Coupé de plusieurs fleurs. Nous allons rester seulement dans cela. Mais nous avons une responsabilité. Deuxième texte pour que nous puissions comprendre qui est le peuple de Dieu. Balancez votre main si vous êtes là, s'il vous plaît. Parce que la prière que nous allons faire après cette méditation est conditionnée par ces jalons que nous sommes en train de poser pour notre nation. Parce que la Bible nous dit, Biblia inatuambia, mon peuple périt, watu wangu wanapotea, faute de démons, amen. Sababu ya mapepo, mon peuple périt, faute de Satan. Watu wangu wanapotea juu ya shetani, amen. Ndio. Et mon peuple périt, faute de quoi? Watu wangu wanapotea juu ya nini? La connaissance. Juu ya kosa kujua. Vous savez, la connaissance, munajua kujua, vous amène à la compréhension. Inakuleta uelewe, et la compréhension, na kuelewa, vous amène à l'application. Inakuleta utimize. Et cette application à la sagesse. Kule kutimize na kupatia hekima. Et la sagesse c'est quoi? Na hekima ni nini? Par définition, la sagesse hekima, c'est la connaissance kwa kueleza, intelligemment appliquée. Ni kusema akili hekima unayoitumia kiakili. Tout ce qui a été enseigné ici, frère. Yote tuliyofundishwa hapa. Tout ce que les serviteurs de Dieu se sont éprouvés ici, wa Mungu wa meditoa, kwa kutoa hapa, depuis le début, le 27, tangia tarehe 17, jusqu'à aujourd'hui, paka kufika leo, et demain, na kesho, ça va passer comme ça. Inaweza tu pita hivi. Une connaissance qui ne servira à rien. Ambao ni ujuzi haikusaidia kwa kitu. Une semence qui va être dévorée. Ndio alitufundisha jana mbegu ambayo hautaitumikisha. Parce que c'est tombé sur les pierres. Sababu inaanguka kwa mchiwe. L'incrédulité, c'est tombé sur les épines. Inaanguka kwa miba. Des soucis de ce monde. Kwa mawazo mengi ya hii dunia. C'est tombé dans la rue. Inaanguka kwa barabara. Les oiseaux du ciel. Na wandege wa anga. Et les pieds des autres vont fouler. Na miguu ya watu wanafunyanga. Une semence. Mbegu. Qui va pas porter de fruit. Ambao haitazaa matunda. Vous allez vous dire, mais nous passons beaucoup de temps dans la prière. Où est l'exaucement? Na watu wengi watasema tunapitisha muda mrefu kwa maombi. Nous partageons maintenant la voie de l'exaucement pour que vous puissiez saisir comment l'exaucement de Dieu peut se manifester. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Je suis content de vos yeux parce que vous êtes en train de suivre. Oui, vos yeux ne peuvent jamais me faire peur. Mais c'est celui qui est présent qui ne vous fera pas peur. Lakini yule ambaye yuko hapa ndio hata waogopesha. Mais qui va mettre les dynamites là dans votre esprit et faire pouf ataenda pour que vous puissiez saisir. Yenu kulipua, ili mupoke kitu. Il va élargir vos limites. Ataweza kupanua namna yenu ya mipaka. Amen. Amen. Deuxième texte est celui qui est le peuple de Dieu. Usomi wetu wa pili tukijiuliza watu wa Mungu ni nani. Deutéronome 7. Kumbukumbu 7. Comme ça nous, parce que nous trouvons ici, si mon peuple sur qui? Hapo tumeona. Nous sommes en train de nous poser la question, qui est ce peuple? Deutéronome, le chapitre 7e, à partir du verset 6e. Kumbukumbu saba sita. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Entre tous. C'est là le peuple que la Bible parle. Ce n'est pas toutes les nations, frère. Nous prions. Mais Dieu ne nous écoute pas. Nous nous retrouvons dans les stades. Ensemble, prions pour la nation. Mais qui doit prier pour la nation? Qui doit prier pour la nation? C'est pourquoi, frères et sœurs, le problème qui se passe dans notre nation, le Congolais prie trop sans prier vrai. Hello? Allô. On prie trop sans prier vrai. Tunaomba mingi lakini hatuombe vizuri. Et la voix que nous sommes en train de voir ce matin, na njia tunapoona, c'est pour que nous puissions prier vrai. Ni ili tuombe mzuri. Et que nous puissions voir Dieu. Na tuone Mungu. Que nous puissions faire notre part. Na tufanye sehemu yetu. Et en retour, na kwa ngambo ingine, nous allons voir Dieu faire sa part. Tuache Mungu afanye sehemu yake. Parce que à nous la prière, sababu ni sisi kuomba, à Dieu l'exaucement. Na Mungu analeta majibu. Il a dit à son peuple, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, le moindre. C'est pourquoi il pouvait dire, ne crains point petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner un royaume, un petit troupeau, mais puissant. Israël, c'est une pierre pesante. Aujourd'hui, les nations se soulèvent contre Israël. Ils l'entourent. Et nous avons écouté les discours. Quelques-uns ont déclaré qu'ils vont faire railler Israël sur la carte du monde. Mais eux-mêmes seront raillés de la carte du monde. Mais Israël restera debout. Parce que c'est une pierre pesante. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prier pour Israël. Nous devons bénir ce peuple. Nous devons demander à Dieu pour qu'il accomplisse sa parole sur cette nation. Qui est non pas seulement une pierre pesante, mais qui est l'horloge de l'humanité. Tout tourne sur ce peuple. Même ce qui se passe dans notre nation, même ce qui se passe dans nos nations, frères et sœurs, ce n'est qu'un petit brin de ce qui s'est fait en Israël. Le verset 7, il dit, ce n'est point parce que vous avez surpassé le nombre. Verset 8, mais parce que l'Éternel vous aime. L'Éternel fait quoi? Il dit à Israël, vous aime. Et ceux qui ont fait les Français, on pouvait dire l'Éternel vous a aimé. Vous a aimé, c'est l'action qui s'est faite dans le passé et qui s'est terminée dans le passé. Mais ici, la Bible nous dit l'Éternel vous aime. C'est un présent continu. Parce que Dieu lui-même est présent tous les jours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça ce que Dieu est. Il vous aime. Il a dit à Israël, parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude et de la main de Pharaon et du roi d'Égypte. Voilà. Je voulais seulement vous donner ces quelques textes, frères et sœurs. Et le verset 12e, il dit ceci. Si vous écoutez ces ordonnances et si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera avec toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera. Voilà, il parle maintenant dans le futur. Il t'aime, mais il t'aimera. Il te bénira. Il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton bleu, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et ton mini bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. ni bête stérile parmi le troupeau. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Et il en frappera tous ceux qui te haïssent. Wow. Hello. Allô. Qui va frapper tous ceux qui te haïssent? C'est pourquoi il ne faut pas maudire les autres frères. Laisse les gens te haïr. Mais toi, attache-toi à Dieu. Dieu va s'occuper d'eux. Wow. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Vous êtes maîtris dans votre cœur. C'est lui qui va frapper. Et des fois, c'est nous qui maudissons. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne maudissez point. Mais bénissez. Dis seulement à vos ennemis qu'ils vivent longtemps. Qu'ils voient ce que votre Dieu va faire. Ne maudissez jamais votre ennemi. Mais bénissez-lui. Dis-lui qu'il vive. Qu'il reste encore vivant. Afin qu'il voie ce que Dieu va faire. Hello. Hello. Et votre cœur est gris ce matin. Parce qu'il y a les autres qui te haïssent. Il y a les autres même dans la famille. Même dans le travail. Même dans le ministère. Et des fois vous parlez trop. Vous parlez trop de toutes ces choses. Non, tournez-vous vers Dieu. Ne parlez pas des hommes. Ne parlez pas de ceux qui te haïssent. Ne parlez pas trop de ceux qui sont en train de te maîtriser. Tourne-toi vers Dieu. Et Dieu seul va tourner. Se retourner contre eux. Amen. Amen. Nous sommes là ensemble. Voilà, je reviens pour dire, si mon peuple sur qui mon nom est appelé. Premièrement, qui est ce peuple? Qui est ce peuple d'abord? Ici, si nous sommes dans la faculté de l'Arche de l'Alliance. C'est meilleur que vous ne pouviez pas me regarder. Prenez note. Pasteur, vous savez, aujourd'hui dans l'église, j'ai dit que si un membre qui est depuis longtemps dans l'église n'amène pas sa Bible, est-ce que vous pouvez disposer? Regarde comment vous êtes habillé. Vous n'avez pas une Bible. C'est que pour vous, vous voulez seulement entendre ce que le prophète va vous dire. Je suis en train de voir votre élévation. Je suis en train de voir votre mariage. Je suis en train de voir votre bénédiction. Et vous dites amen. Soyez prophète vous-même. Parce que vous avez la parole de Dieu. Et lorsque vous suivez ce que la Bible dit, vous serez prophète de Dieu vous-même. Parce que vous allez prophétiser vous-même. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de leurs témoins. Quelle parole? C'est la parole de Dieu que vous écoutez. Amen. Amen. Amen. Amen. Qui est ce peuple de Dieu d'abord? C'est Israël. Israël kwanza. Ce n'est pas nous d'abord, frère. Sio kwanza sisi. Ces promesses que Dieu a faites à ce peuple-là, ahadi Mungu aliwapatia, nous les avons maintenant. Tunazo zisi sasa. Nous aussi. Na sisi. Qui est ce peuple de Dieu aujourd'hui? Watu wa Mungu leo sasa. Qui est ce peuple? Ni wanani? C'est l'église. Ni kanisa. Amen. Amen. Éphésiens, ouais, chapitre 3, sura ya 3. Comment nous allons participer à toutes ces promesses? Namna gani tutashiriki hizi ahadi za Israeli? Paul appelle sera mystère. Paulo anaita siri. Mystère. Siri. C'est un mystère caché de tous les temps. Ini siri ilifichwa miaka zote. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 4e. Vous pouvez lire à partir du verset 1er, il n'y a pas de problème. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. C'est pourquoi nous disons que Dieu, c'est un Dieu générationnel. Les autres qui sont morts n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu ça. Et si aujourd'hui nous connaissons, nous ne pouvons pas nous enorgueillir. C'est une responsabilité que de connaître ces choses et ne pas vivre ces choses. Une grande responsabilité. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. Aux saints apôtres et aux prophètes de Christ, révélés par l'Esprit. Disait avec moi le verset 6 ensemble, lisons, verset 6, ces mystères à haute voix. Ce mystère, c'est que le païen, son cohéritier forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Waouh! Nous qui étions de païens, si, tu le crois, wa pagano. Le peuple de Dieu, c'est Israël. Watu wa Mungu ni Israeli kwanza. Mais nous, c'est mystère aujourd'hui. Si, kwetu ni siri. C'est que le païen, sasa, si, wa pagano, que nous étions, vous et moi, ambao tu le crois, wewe na comme mimi. Abraham était aussi païen, kama vile Abraham alikuwa mpagano, son vile. Père était un idolâtre Baba qui venait kwa mwabudu masana. De là où les mages de l'Orient sont venus adorer Jésus. Nikule kulitokea wale wanajisi. C'est là qu'est venu, c'est là qu'est venu Abraham. Et là qu'est venu Abraham, Dieu l'a pris là quand son père est mort. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans l'église avec des doctrines qui cherchent à dédouaner le pécheur pour qu'il attribue tous ses échecs, toutes ses défaites, tout ce qu'il connaît dans la vie aux autres. Moi j'écoute ça. Dieu punit l'iniquité des pères aux fils jusqu'à la quatrième génération. Oui, il est vrai. Il est vrai. Ça c'est vrai. Mais ils omettent les dernières phrase, wanaacha dit, neno ya mwisho pour ceux qui le haïssent, pour ceux qui ne lui obéissent wale wasio mtii Mungu. Dieu punit l'iniquité des pères aux fils makosa ya jusqu'à baba la quatrième génération kiaine, pour ceux qui ne lui obéissent wale pas watu wasio mtii Mungu. Mais Dieu bénit lakini Mungu anabariki la génération de celui qui aime le Seigneur et marche selon sa parole jusqu'à millième génération. Et la Bible nous dit aussi, vous ne direz plus ces proverbes en Israël. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Non, non. Celui qui mange les raisins verts, ses propres dents seront agacées. Oui, nous, des fois nous sortons des liens de famille qui ont adoré les idoles, qui ont été dans le fétiche, qui ont sacrifié, qui ont tué. Il est vrai. Nous sortons de là. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons toujours déclarer, nous devons toujours nous ramener dans la présence de Dieu pour que nous ne traînions pas avec nous, pour que nous ne traînions pas avec nous tout ce que ces gens ont connaît. Amen. Amen. On doit prier pour ça. Priez pour ça. Moi j'aime bien la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous dit dans Genèse 6, le Seigneur était affligé dans son cœur à cause de l'homme et de son comportement. Pourquoi? Parce que cet homme-là depuis sa jeunesse, était toujours dans la méchanceté. Son cœur se tournait toujours dans la méchanceté. Dieu était affligé dans son cœur. Mais Dieu a trouvé un homme qui s'est nommé Noé. J'ai vu ça dans le texte que le pasteur a écrit hier. Et Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a offert à Dieu un sacrifice. Et c'est Dieu qui était affligé dans son cœur. Qui avait dit que son esprit n'habitera plus sur l'homme. Le sacrifice que Noé a présenté à Dieu a été comme une agréable odeur assez marine. Et le cœur de Dieu était touché. Et Dieu va dire, je ne maudirai plus jamais la terre comme j'avais fait au temps de Noé. Qu'il en soit ainsi pour vous, à la fin de ce que nous sommes en train de faire, c'est que Dieu ne maudira plus jamais. Noé sortait de tous ses liens. Noé sortait de ses familles. Mais parce que lui a présenté son offrande agréable à Dieu. Dieu a aimé cette offrande. Dieu a senti l'odeur. Lorsque nous prions, frères et sœurs, nos prières sont comme de l'encens qui monte devant Dieu. Et Dieu écoute ça. Dieu sent cela. Il sent cela. Ce n'est pas la puanteur du péché. Pourquoi il dit souvent, éloigne de moi vos sacrifices. Les païens, nous participons. Il dit, les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons faire participer à tous les Congolais aux promesses de Dieu? Comment nous, la nation du Congo, peut participer, peut devenir co-héritier, peut participer à la promesse de Dieu? Comment? Par quel moyen? Ce n'est pas par une fréquentation, frère et soeur. Ce n'est pas par une adhésion comme dans un parti politique, comme dans une mutualité. Vous pouvez venir en ces lieux des années et des années. Vous dites seulement, donc je vais à l'arche. L'arche ne pourra rien faire, frère et soeur. C'est l'évangile qui peut transformer. C'est l'évangile qui peut changer. Lorsque vous êtes venu, pour que vous soyez un peuple de Dieu qui prie, un peuple de Dieu sur qui le nom de Dieu est invoqué, c'est par l'évangile. Amen. Amen. Si nous ne pouvons pas acclamer l'évangile, l'évangile c'est qui? L'évangile c'est pas l'annonce. C'est pourquoi le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous avons un mandat divin. Depuis que vous venez ici à l'église, vous avez des amis. Vous avez la famille. Vous avez les autres autour de vous. Vous vous plaignez toujours. Oh non, ça ne marche pas au travail. Oh, ça ne fait pas ceci. Oh non, non, là-bas chez nous, il n'y a aucune personne qui réussit. Ah, ici c'est nous. Oh non, il y a la malédiction qui plane dans notre famille. Toujours toutes ces confessions-là. Frère, c'est celui qui vous parle. Si je vais chez moi, j'arrive au port seulement, ou bien par véhicule, et qu'on apprenne que Sembe est en train de venir, le village tout entier sort. Parce que je sors d'une famille qu'on appelle ici des Mwami. Mon grand-père. Baba yangu mukubwa. Mais ce mwami était seulement dans un village. Lakini huyu mwami alikuwa tu mkijiji. Amen. Dans un village. Et lorsque nous arrivons, unapofika, parce que je suis de cette famille, sababu niko wa ile jamaa, on prend les tipoi. Wanachukua hiyo tipoi. Je suis assis. Si les épaules des autres ils me transportent jusqu'à. Wananitia kwa mabega ya wengine wananibeba. Quand je suis allé dernièrement, je n'ai pas voulu ça. J'ai dit non non non. Nilipoenda po mara mwisho hapa nikasema sitaki. Je suis venu vous apporter autre chose que ces choses. Niliwaletea kitu kingine hapana hii. Je ne peux pas monter sur vos épaules. Sitapanda kwa mabega yenu. C'est l'arche de l'alliance qui doit monter sur les épaules. Sanduku la Bwana litapanda kwa mabega yenu hapana hii. C'est Jésus qui doit monter. Yesu anapaswa panda kwa mabega yenu. Amen. Amen. Vous voyez ça. Et deuxièmement, celui qui vous parle, orphelin de père, à 4 ans, mon père a servi les Belges comme chef d'une plantation. Tout ce que vous écoutez, Eveya, le cacao, Eveya, le caoutchouc. Qui ont fait que les caoutchoucs, vous savez que c'est les caoutchoucs qui sont venus de ma province, qui a construit Jekamine. Ils ne pouvaient pas découvrir le cuivre sans ces caoutchoucs-là. C'est pourquoi nous sommes liés, frères. Ndio maana tunafungana wengine kwa wengine. Tuko watu tunafungana wengine na wengine. Amen. Amen. Jekamine a été construit par les caoutchoucs qui sont venus. Jekamine imejengwa na caoutchouc ilitoka Équateur. Mais lorsque papa est mort, baba yangu alipokufa, nous étions sortis du camp là où nous étions. Tulitoka kwenye tulikuwa naishi avec les muzungu. Na wazungu. On était là ensemble avec leurs enfants. Tulikuwa naishi na watoto wao. On avait tous des vélos. Si wote tulikuwa natembeza bule makinga ya watoto. On était dans la maison, nos habits que nous portions c'était commandés de la Belgique. Ilikuwa natoka Bulaya. Et maintenant papa est bon. Sasa baba amekufa. Nous sommes sortis du camp. Tukatoka kukambi ya wazungu. Et nous sommes allés au village. Tukaenda kukijiji kwenye watu wote wako. De notre maman. Ya mama yetu. Heureusement que c'était une mission protestante. Bahati yetu ilikuwa katika mission ya wa protestante. Et là nous sommes arrivés. Tulipofika pale, des enfants ont été dispersés. Watoto wakagabulana. L'un c'est son oncle. Mwingine kwa muyomba. L'autre c'est sa tante. Mwingine kwa shangazi. Parce que maman ne pouvait pas prendre le tout. Sababu mama hangeweza kutuchunga. Et les Belges ont demandé non pour tout ce que Semba a fait pour nous. Na wazungu wakasema yote Sembe alitufanyia. Nous voulons prendre quelques-uns de ses enfants. Tutakamata watoto wake wamoja. Pour les amener en Belgique. Ili kuwapeleka Ulaya. Pour qu'ils étudient. Wasome. Pour venir servir. Wakuje watumike. Et nos oncles ont dit niat. Na wayomba wakasema hakuna mwataenda Bulaya. Nos enfants vous allez comme ils ont connu la colonisation, la souffrance, ils avaient toujours cette pensée-là. Ils ont dit, vous ne pouvez pas aller. Je ne veux pas, nous ne pouvons pas vous donner nos enfants. Vous allez les transformer comme vous nous avez coupé les mains ici. Nous sommes restés. Mais ils ont pris tout ce que leurs frères ont laissé. Ils ont pris tout. Et nous sommes allés dans la mission. Vous savez, lorsqu'une mère est dans la foi, c'est merveilleux. Et ce que nous avons vu, frères et sœurs, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Notre maman nous disait ceci. Même si votre papa était vivant, il ne saurait pas satisfaire à tous vos besoins. Mais si vous avez Dieu comme père, celui qui est le père des orphelins, le défenseur de la veuve, il vous prendra en charge. Oh, c'est ce que Dieu a fait. Et Dieu nous a pris en charge 9 enfants. Et tous aujourd'hui, nous n'avons pas coûté au Congo. C'est nous qui servons L'un de mon grand frère a servi ici. Comme le commandant des forces navales ici. À Goma. Il sert la nation. Les autres sont en train de servir, les autres sont partis dans l'éternité. Mais aussi, il y a l'un de ses fils. Qui les autres, lorsque on allait avec eux à l'école, nous qui avions de petits vélos, ils nous dépassaient. Nous faisions des kilomètres à pied. Sans chaussures. Et nous avions des histoires qui, lorsque vous les portez, vous voyez seulement le dessus. Mais là-bas, derrière, ça touche la terre. Mais à quoi bon de porter des chaussures bien au-dessus, mais là-bas, en bas, ça touche la terre. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, qui est ce peuple-là? Et il va dire au chapitre 3, verset 10, il dit, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par qui? Par le Parlement? Par le gouvernement? Vous voyez, frère, c'est notre responsabilité. Les dominations, les principautés, les pouvoirs, il est dit ceci, dans le lieu céleste, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Qu'ils connaissent par l'Église. Qui est l'Église? L'Église, ce n'est pas ces bâtiments. C'est un sanctuaire. Véritable Église, c'est vous et moi. Le peuple qui est pris. Mais nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Ceux qui ont reçu, ceux qui ont cru en lui, ce sont ceux-là qui deviennent les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Ils ne sont pas des esclaves. Amen. Amen. Qui est enfant de Dieu ce matin? Ou bien si vous voulez l'être. Parce que frère, vous pouvez venir ici dans ce tournant. La première chose pour que vous puissiez participer, vous deveniez co-héritier, participer aux promesses de Dieu. Vous allez des fois faire des déclarations comme des slogans. Je ne serai jamais la queue mais la tête. Je ne serai jamais la tête mais la tête. Mais lorsqu'on voit dans votre vie, vous êtes toujours la queue. Vous n'avez jamais été la tête. Ce sont des déclarations vaines, vagues. Aujourd'hui, certains qui fréquentent des églises il faut retenir la parole de Dieu. Mais le retenir et le confesser dans son contexte. Ce ne sont pas de vaines redites. Amen. Amen. Amen. Amen. Hello. Allô. Je me suis attardé là, frère. Hein? Pour que nous puissions comprendre qui est le peuple de Dieu. Le reste, nous allons aller vite, vite, vite. Parce que juste après ici, nous allons prier. On est ici jusqu'à 15h. Il y aura une autre parole qui viendra. Mais nous avons voulu, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, de ce que le Seigneur a ouvert notre esprit pour que nous partagions avec vous. Posez la question à votre voisin. Es-tu parmi le peuple de Dieu? Posez-lui bien la question. Oui, parce que la Bible nous dit, non pas seulement qu'on vous pose la question, mais la Bible nous dit que l'Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous avez besoin d'un témoignage personnel. Ça, c'est un intérieur, vous-même. Et un autre témoignage, c'est le témoignage des autres. Il faut que là que vous vivez, là que vous êtes, qu'on rende témoignage de vous, comme la Bible dit, que votre lumière luise devant tous les hommes, que l'on voit vos bonnes œuvres, afin que l'on glorifie votre Père qui est dans les cieux. Baba yenu aliye mbinguni. Amen. Amen. Amen. Amen. Tout à l'heure là, hapa sasa hivi, avant que nous venions, mbele tukuje, on nous a appelé à Kinshasa. Kinshasa. Vous avez d'ailleurs les salutations de mon épouse, s'il vous plaît. Mumepata salamu ya mama Kinshasa. Je l'ai pas fait, mais excusez-moi. Sinon, elle va me mettre sous discipline. Kama misi wapatia yo atanipatia discipline. Non, non, elle est tellement gentille. Quelqu'un m'a appelé. Il a dit, pasteur, mais tu es revenu de l'étranger et tu es à Goma. Comment tu fais? Tu avais deuil, mais nous pensions venir te voir. Mais nous venons de voir dans les images. Ici que vous êtes à Goma. Est-ce que ces bâtiments-là, est-ce que ces bâtiments-là de l'école, c'est vraiment à Goma? Il est nyumba ya kanisa, iko Goma, ni kweli kabisa. Je dis, mais c'est à Goma. Ndio iko Goma. Parce qu'il n'a jamais été à Goma. Sababu hayafika Goma na yeye tu à Goma tu ya Goma. Vous allez connaître de la visite. Hein. Les autres qui viendront s'inspirer. Kuna wengine wataanza kupata akili kutoka Goma. Amen. Amen. Amen. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, amen. Amen. Quelle est la part de l'homme? Sehemu ya mtu ni nini sasa? Quelle est notre part? Sehemu yetu ni nini sasa? C'est là que nous allons pour atterrir. Pale ndio tunaanza kushuka pole pole. Dans ce texte que nous venons de lire, katika usomi tumesoma, il y a la part de l'homme, kuna sehemu ya Mungu, et aussi la part de Dieu, na sehemu ya mtu. Parce que nous sommes dans l'alliance. Sawa, tuko ndani ya agano. L'alliance, agano, c'est les deux parties, nous ne sommes pas en contrat avec Dieu. Inafanya sehemu mbili. Dieu nous a introduit dans la nouvelle alliance de son fils. Il avait promis à son fils, il va sur la terre, si tu m'obéis, tu accomplis tout ce que moi je désire et je veux, je vais te ramener de la mort à la vie. Et non pas seulement toi, mais tous ceux qui croiront en toi, ils deviendront des enfants de Dieu. Watoto wangu. Ils deviendront comme toi. Watakuwa kama wewe. Co-héritier. Watakuwa warithi. Héritier avec toi. Na wewe. Quelle est la part de l'homme? Sehemu yetu watu ni nini? Demande à quelqu'un, quelle est votre part? Uliza sasa mtu sehemu yako ni nini? Deux chroniques. Mambo ya siku ya pili. Il est dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Sema ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu. La Bible nous dit invoquer, veut dire quoi? Prier. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dit la parole de Dieu. La parole est près de toi dans ta bouche. Dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et si nous croyons de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous sommes sauvés. Je suis sauvé. Inclinons nos têtes un peu, s'il vous plaît. Parce que nous voulons que tous ceux qui sont venus ici participent. Qui ce matin est venu dans cette salle, invité, que vous n'avez jamais fait l'expérience de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Je ne dis pas si vous fréquentez l'arche. Ou si vous fréquentez une religion, si vous appartenez à une religion. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, avez-vous un témoignage intérieur qui ce matin peut dire que moi je vais être parmi ce peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué? Parce que la Bible nous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que vous savez du fond de votre cœur, par le Saint-Esprit, que vous êtes sauvé. Si cela n'est pas le cas, frères et sœurs, vous pouvez lever votre main pour participer à ces promesses de Dieu, pour être parmi ceux-là qui vont invoquer Dieu et que Dieu va répondre, pour que vous ne veniez pas participer à ces tournants décisifs et que vous manquiez ce que Dieu désire pour vous. Qui ce matin peut dire, moi, je suis là. Soit j'étais là, mais je me suis détourné parce que je voulais l'instantané. Parce que je voulais voir l'instantané. Parce que je n'ai pas vu et je me suis détourné, le monde m'a attiré. Le péché m'a séduit, je suis rentré dans le monde. Lève la main que vous êtes. Là que vous êtes, s'il vous plaît. Nous voulons prier avec et pour vous. Ne regarde personne, c'est vous-même. Lève la main là que vous êtes. Nous voulons prier avec et pour vous. Pour que quand nous allons prier ici, quand nous allons intercéder ici, que vous ayez aussi votre part dans les promesses de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ne regardez personne, nos têtes baissées, nos yeux fermés. Vous n'avez pas besoin d'être un caméraman. Nous avons des caméras. Nous avons des caméras ici, on n'a pas besoin de vos yeux. Inclinez votre tête et vous connaissez le témoin de votre cœur. Levez la main là que vous êtes. Vous voulez rentrer dans le Seigneur, dans la maison. Le Père est avec toi. Lève la main là que vous êtes. Et levez-vous. Voulez-vous lever, s'il vous plaît? Voulez-vous lever là que vous êtes? Ne regardez personne. Levez-vous. Vous êtes rentré dans le monde. Là que vous êtes, on vous identifie aux autres qui sont autour de vous. Levez-vous, vous n'avez pas besoin d'hésiter. Vous serez seul devant le Seigneur. Vous allez vous présenter seul, non même pas avec un ami. Non même pas avec le plus proche de toi. C'est un temps qui est très sérieux, frère et soeur. Merci pour ceux qui sont levés. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas. Il est dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Dieu. Merci. Continuez à vous lever là que vous êtes. Et nous appelons le pasteur qui a la responsabilité de cette église. Venez prier. Pasteur Eston, venez prier pour tous ceux qui sont levés et que nous puissions continuer la deuxième. Suivez-nous dans la prière. Dites Seigneur Jésus, je m'approche de toi ce matin. Je veux être participant de ton royaume. Ce matin, sauve-moi. Sauve-moi. Je viens à toi. Je me tourne vers toi. Définitivement. Inscris mon nom dans le livre de vie. Et conduis ma vie. Dès maintenant. Et à jamais, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi. Je veux obéir à ta parole. Je veux bénéficier de tes promesses. À partir d'aujourd'hui, tiens-moi la main. Soutiens-moi. Et accompagne-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, ceux qui sont levés, restez-vous debout. Le service d'accueil, s'il vous plaît, donnez-les un bout de papier. Un bout de papier, donnez-les quelque chose. Restez debout, s'il vous plaît. On vous donne quelque chose. Et puis maintenant, je crois, frères et sœurs, nous acclamons le Seigneur. Il y a de la joie au ciel. Une âme qui se répand. C'est-à-dire, vous allez participer avec nous. Et vous allez obtenir. Quand nous allons prier ici tout à l'heure. Quelle est notre part à nous? Premièrement, c'est s'humilier. S'humilier. Je vous donne quelques textes. Lisez, vous allez écrire, écrivez ça. Andika. Néhémie, chapitre 1er. Néhémie, chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au verset 11e. Néhémie, ya kwanza, ine, paka kumina moya. C'est simili. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, simili. Écrivez Daniel, chapitre 9. Daniel Tissa. Chapitre 9. Vous allez lire le chapitre 9 de Daniel en parallèle avec Jérémie 29, 11 à 15. Jérémie 11. Vous allez lire en parallèle avec Jérémie 29. C'est-à-dire, ces textes de Daniel 9, lisez ça en parallèle avec Jérémie 29, le verset. Le verset. Vous allez lire tous les versets, tous les chapitres. Mais lisez vraiment le verset 11 jusqu'au verset 15. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 à 7. Tano paka saba. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il vous élèvera au temps opportun. Deuxième responsabilité. Majukumu yetu ya pili. Prie. Kuomba. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie. La Bible nous dit dans Esaïe que nous sommes la maison de la prière. Il est dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les hommes. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Les sacrificateurs se tenaient entre le portique et l'autel en faveur du peuple de Dieu. C'est ça ce que nous sommes. Priez. Kuomba. Jacques chapitre 5. Jacobo tano. Verset 16 à 18. Kumina sita, on nous parle d'un kumina homme mnane. Qui wanaombelea était de la même nature que nous. Mutu amba alikuwa kama Elie, sisi, Elia, qui a prié. Aliomba, le ciel s'est fermé. Mbingu zilifungwa, et qui a prié. Alipo omba, le ciel s'est ouvert. Mbingu zikafunguka. Même nature que nous. Mutu kama sisi. Elie n'était pas un homme spécial. Mutu, il est né d'une femme et d'un homme comme vous et moi. Kama wewe na mimi. Troisièmement, cherche ma face. Ya tatu, majukumu yetu kutafuta uso wa Mungu. Cherche ma face. Utafuta uso wa Mungu. Écrivez Ézéchiel. Andika Ézéchiel. Chapitre 22. Makumbi Lambili. Verset 23 à 31. Makumbi na tatu. Il est dit ceci. Et mes semeurs arrivent. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Wow. Il cherche seulement un homme, une femme qui se tienne à la brèche, qui fait un mur. Le mur pour empêcher que l'ennemi ne vienne. Le mur, ce n'est pas ce que les autres peuvent construire pour marquer les frontières. Mais il peut y avoir un mur spirituel que nous pouvons bâtir. Un mur spirituel que nous pouvons ériger pour empêcher que l'ennemi n'entre pas, pour empêcher qu'il n'y ait pas des incursions de l'ennemi, qui ferme des brèches, des endroits qui permettent à l'ennemi d'entrer. Il dit devant lui, en faveur de son pays, pour qu'il ne détruise pas. Mais Dieu ne trouve pas, ne trouve personne. Que Dieu nous trouve ce matin, que Dieu trouve en vous et moi cette personne-là qu'il cherche. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi je suis cette personne-là que Dieu cherche ici à l'arche de l'Alliance. Je suis cette personne qui va ériger un mur. Je suis cette personne qui va fermer des brèches en faveur du pays pour que Dieu ne détruise pas. Frères et sœurs, les hommes, les nations peuvent chercher à détruire une nation. Mais la destruction qui est la plus destructrice, c'est la destruction que Dieu peut. Craignez plutôt la destruction de Dieu que des hommes. Il dit dans Jérémie 29, 11 à 14, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dieu va se laisser. Wow. Comment Dieu grand peut se laisser trouver? Il dit Dieu peut se laisser trouver. Si nous le cherchons de tout notre cœur, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si Mili prie, cherche ma face. Quatrième responsabilité, si se détourne de ses mauvaises voies, si se détourne de ses mauvaises voies. Quelles sont ces voies? C'est les voies du péché. Lisez avec moi un texte, frère. Le texte suivant, c'est dans Nombre, chapitre 35, versets 30 à 34. Nombre 30. Nombre 35 plutôt. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis amen si nous sommes ensemble. Dis à votre frère si vous êtes ensemble. Nous sommes ensemble, nous écoutons, nous sommes ensemble. Il ne faut pas permettre qu'il dorme, sinon vous l'aimez pas. Si vous aimez la personne qui est à côté de vous, il ne faut pas aimer qu'il somnole. Ok, le verset 30 à 34, il est dit ceci. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier. Wataondoa maisha kwa yule aliyeua. Sur la déposition de témoins. Bakiwa wa shuhuda. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Hatoshe ili mtu auawe. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Kupokea rushwa juu ya yule aliyeua. Car il sera puni de mort. Atakapo. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa vie de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Lisez avec moi le verset 33. À haute voix ensemble. Vous ne suivrez point pas le pays où vous serez, car le sang souille quoi? Le pays. Dame. Et il ne se fera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui aura répandu. Vous voyez la responsabilité? Le sang damu suit le pays. Ina nazishi inchi. Le sang non pas seulement qui est répandu par la guerre, si le sang qui est répandu aussi par des avortements. Na ima damu ingine ambayo ni kuporomosha kizinemea na isema. Le sang qui est répandu aussi par la haine. Na damu ino, la Bible nous dit kwa chuki ya la Bible watu. Nous dit que celui qui est son frère nasema, anayechukia ndugu yake est un meurtrier. Ni muuaji. Et aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Les sangs suivent. Ça suit ce que Dieu ne veut pas regarder. Est-ce que vous avez vu? Combien de litres de sang répandus dans cette nation depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, dans les familles, dans les secrets publics, les personnes qui s'arrosent la force de répandre le sang. La Bible nous dit qu'il n'y aura point, il ne se fera pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu. Verset 34. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai. Car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Dieu habite au milieu de nous. Et lorsqu'il voit le sang, frères et sœurs, nous devons faire attention. Ce qui suit le péché a plusieurs dimensions. Il est dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dites pour entendre, mais ce sont vos péchés et vos transgressions qui rendent les oreilles de Dieu dures. Et sa main, c'est-à-dire sa puissance, agit. Le sang suit. Damu inachafua. Dieu qui veut habiter Mungu anapotaka kuishi na sisi dans nos vies, ndani ya maisha yetu, dans notre nation, ndani ya nchi yetu, dans nos familles, ndani ya majamaa zetu, il voit les sangs akiona damu qui sont répandus iliyomwangika à cause de la haine, juu ya chuki, à cause de la méchanceté, juu ya ubaya wetu. Non pas seulement de ça, sio tu hiyo, mais ce sang même dans l'église, hata ndani ya kanisa, où les gens s'empoisonnent, c'est tu. Wanawana. Dans les familles, ndani ya majama, où papa a laissé l'héritage, baba aliacha urithi, les enfants sont traîtus, batoto wanawana, même s'ils baba sont cousins et cousines, hata kama ni watoto ya shangazi, même s'ils na sont des demi-frères, hata kama à ni cause de l'héritage, ils sont traîtus, urithi wanawana, les sang, damu. Est-ce que vous entendez? Munasikia? Ça suit. Damu inanazishi. Et même si nous allons crier, il faut une réparation. Mais qui peut réparer? Il n'y aura pas expiation. Qui peut enlever? Qui peut enlever ça? Nani ataondoa ile uchafu ambao damu ilileta? Qui? Nani? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hakuna mwingine. C'est ce peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Ni wale watu tu wenye Mungu. Parce que ils sont dans l'alliance des sangs. Zacharie chapitre 9. Zacharie 9. Voilà notre responsabilité, frère. Zacharie 9. Zacharie 9. Verset 9 à 10. À 12. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Furahi, mwana wa Sayuni. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Uwe na shangwe, ou de fille de Goma. Ou du Congo, wa, comme c'est notre wa, nation Congo, aujourd'hui. Kama inchi yetu leo. Voici ton roi vient à toi. Tazameni, mfalme wako anakuja kwa il est juste victorieux. Ye, ni mwenye haki na il est humble et monté sur un âne. Sur un âne et sur les petits d'Inanès. Il est dit, je détruirai les chars d'Ephraïm. Les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront anéantis. Voilà la promesse de Dieu. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre. Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Lisez avec moi le verset 11. Okay. Verset 11 ensemble. Et pour qui? Et pour toi. Et pour toi à cause de ton alliance scellée par quoi? Par le sang. Par le sang. Je ferai je quoi? Retirerai je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Waouh! Qui peut le faire? À cause de l'alliance du sang. Et ce sang de l'alliance, c'est le sang que Jésus a répandu à la croix. Il a dit, ceci est le sang de l'alliance qui a été répandu à la croix. Nous pouvons nous lever et acclamer cette œuvre de Jésus-Christ qui est le seul. Qui est le seul, levons-nous ensemble sur nos pieds, crions avec le Kélékélé, à cause du sang de l'alliance, à cause du sang de l'alliance, Dieu est capable de purifier le Congo, de purifier l'Est, de purifier. De purifier le Nord Kivu, de purifier notre nation du sang souillé qui a souillé la nation, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus seul. Ce ne sont pas les sangs de taureau et de bouc. Qu'est-ce que nous allons offrir à Dieu? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Versé à la croix. C'est seul ce sang, frère, qui va permettre à ce que ce sang dans nos cœurs purifie nos péchés. Ce sang de cœur purifie nos péchés. Dans notre relation verticale avec Dieu. Et dans notre relation aussi horizontale les uns les autres. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. C'est le sang de l'agneau, seul frère sœur, qui est capable d'ôter ses péchés. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Et le sang de Jésus pour ôter toute iniquité. Venons avec ce sang. Nous n'avons aucune offrande. Nous n'avons aucune offrande à porter. Nous n'avons pas le sang de taureau et de bouc. Parce que le sang de taureau et de bouc ne peuvent pas ôter le péché. Ce sang de Jésus peut purifier votre conscience. Même si vous êtes ici ce matin, que vous êtes un maîtrier ou vous avez participé au maître, le Seigneur est capable de purifier votre conscience. Des fois, vous passez des nuits sans dormir à cause du sang que tu as versé. Vous avez un problème de conscience, mais le sang de Jésus est capable de purifier votre conscience afin que vous puissiez servir le Dieu vivant et vrai. Nous acclamons ce sang, que ce sang purifie notre nation, que ce sang purifie nos familles, que ce sang purifie nos vies à cause du sang qui a été versé. Lui a versé son sang. Lui a coulé son sang. Il y a eu 2 litres de sang. Je venais de voir tout à l'heure là. Tout à l'heure là, on m'a envoyé d'Israël. On m'a envoyé d'Israël d'un chercheur qui est un archéologue. Vous savez, la plus grande découverte qu'il a faite, c'est la découverte du sang. Il est allé là où Christ, c'est pour démontrer que Christ était réellement crucifié à Golgotha. Il est allé vérifier. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé à l'intérieur du rocher à Golgotha quelque chose de noir qui ressemble au sang. Et il a amené ça dans un laboratoire. Il a dit qu'on aille vérifier. Parce que si Jésus était réellement crucifié là, et que si ce qu'il a vu là, le noir, depuis des milliers d'années, c'est le sang de Jésus. Vous savez, des analyses le font aujourd'hui. Pour trouver les ADN, pour trouver quoi que ce soit, ils ont analysé ce sang. Et je vais envoyer à votre pasteur. Et ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé que vous savez qu'il y a des croisements toujours entre l'homme et la femme. Il y a combien? Si on le trouve, on trouve 44 ou combien? Le chromosome. Hein? Combien? 46. Ça, c'est l'homme et la femme. Mais là, dans ces découvertes, on n'a pas découvert 46. Mais on a découvert 23. Et quand on a découvert ces 23-là, on a découvert un Y, mais qui n'est pas d'origine des hommes. Wow! C'est pour dire que cet enfant, son sang est capable, parce que c'est le sang de Dieu lui-même qui est venu par l'action du Saint-Esprit, où la femme a conçu par la vertu du Saint-Esprit. De l'autre côté là-bas, on pouvait trouver, mais de l'autre côté là-bas, il n'y a pas le sang d'un homme. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et la Bible dit aussi qu'il a fait que toutes les nations de la terre, ils sont issus d'un seul sang. C'est le sang d'Adam. Tous qui pouvaient enlever le péché, qui peut enlever ses suies dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, sauf le sang de Jésus, sauf le sang de Jésus. C'est pourquoi levons nos mains, frères et sœurs, commençons à bénir Dieu, commençons à remercier le Seigneur pour le sang de l'Alliance, pour le sang de l'Alliance. Bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu. Venez prendre la direction, pasteur, venez prendre la direction. Alléluia. Prions le Seigneur, Père Céleste. Nous avons fait notre part. Le sang qui a souillé cette nation depuis l'époque coloniale à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le sang continue à couler, le sang continue à verser, à être versé partout dans nos familles, partout dans les villages, partout, Seigneur. Et ça suit et ça fait en sorte que ta présence ne soit pas effective. Oh, que cela soit aujourd'hui un tournant, Père éternel. Il y a eu un tournant décisif. Qui est le plus grand tournant? C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est capable d'ôter le péché, de purifier les vies, de sanctifier les vies. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Et que parle au Seigneur. Ma rédemption, où ton sang coule pour. Seigneur. Nous parlons, Seigneur. Nous parlons, Seigneur. Nous parlons, Seigneur. Nous parlons, Seigneur. Gloire et honneur à toi seul. Oh, cette foi. Oh, cette foi, ma rédemption, où ton sang coula sous moi, que mon âme s'écrie, alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît. Vous voyez? Mnona. Les trois couleurs qui sont dans notre drapeau. Izi rangi tatu ambazo ziko ndani ya bendera yetu. Alors que papa parlait. Wakati baba alikuwa na zungumza. J'ai compris l'essence qui est dedans. Nimeelewa maana yake. Voyez le rouge. Mnaona nyekundu. C'est l'image du sang, n'est-ce pas? Inakuwa ni picha ya damu. Le sang est rouge ou vert? Damu inakuwa nyekundu ama kimajano. Le sang de l'alliance. Damu ya agano. Quiconque va entrer en alliance avec Dieu. Yeyote anaingia ndani ya agano pamoja na Mungu. Comme c'est une alliance par le sang. Jisi ni agano kupitia damu. Sera un porteur de salut. Atakuwa mpelekaji wa wokovu. Pour cette nation. Kwa ajili ya taifa hili. Et dans le drapeau. Na ndani ya bendera. La bande rouge est au centre. Hii nyekundu inakuwa katikati. Ouvrez ce drapeau. Unaweza kufungua ile bendera. Est-ce que vous voyez ça? Je mnaiona. La solution pour le Congo. Jibu kwa ajili ya Congo. Est dans le sang de l'alliance. Iko ndani ya damu ya agano. Qui est au centre de tout. Ambayo iko katikati ya mambo yote. Après le sang. Kisha damu. Il y a les bandes jaunes. Kuna kuwa hii kimajano ya kuivya. La richesse. Utajiri. Image de l'or. Inakuwa ni mfano wa zahabu. Qui représente la richesse. Ambao inamaanisha utajiri. À partir du sang. Kuanzia l'alliance. Damu ya agano. La richesse arrive. Utajiri unafika. Et après la richesse. Na kisha utajiri. Il y a la couleur bleu ciel. Kunakuwa hii rangi ya samawi ya mbingu. Image de la paix. Ambao ni mfano wa amani. Et l'étendue de du bleu est tellement grand. Na hii nafasi ya samawi ni mkubwa sana. Qui est comme un voyage. Ambao inaonekana kama safari. Un voyage de paix. Safari ya amani. Est-ce que quelqu'un voit ça? Je kuna mtu ambaye anaiona. Et au-dessus ya l'étoile. Na juu kuna nyota. L'étoile. Nyota. C'est la lumière. Ni mwangaza. L'étoile ne se retrouve pas par terre. Nyota iko chini. L'étoile est en haut. Nyota inakuwa juu. Et d'en haut. Na uko juu. Provient la lumière. Kunatokea mwangaza. Jésus est venu d'en haut. Yesu alitokea juu. Comme lumière. Kama vile mwangaza. Et cette lumière, attendez. Mungoje msubiri kidogo. Et cette lumière. Na ile mwangaza. N'est pas juste une lampe. Sio tuta au-dessus de la RDC. Ambayo iko juu ya Congo. Mais plutôt lakini une lampe qui vient dans l'esprit du Congolais et dissipe les ténèbres afin que le Congolais entre en alliance avec le sang de Jésus-Christ. Et quand cette combinaison marche, le pays est guéri. La prophétie sur le Congo marche. Les êtres humains qui sont au Congo se retrouvent. Le shalom, amani. Le shalom bleu, amani ndani ya rangi ya samawi. Le ciel bleu, mbingu ya samawi. S'étend. Inaendelea. Vous avez remarqué, mumegundua ya kwamba, il n'y a pas une bande clôture. Hakuna kitu kinachozunguka. Est-ce qu'il y a une bande clôture? Je kuna rangi ambayo inazunguka. Le bleu va aller jusqu'à l'infini. Samawi tenda hadi mahali ambapo hakuna mipaka. Va aller pour se répandre dans les autres nations. Itaenda ili endelee ndani ya mataifa zingine. Comme le cèdre. Kama vile mti. Dont les branches. Ambao matawi yake. Traverse les murs. Inavuka ukuta. Le shalom congolais. Amani ya Congo a la vocation inakuwa na wito de traverser les frontières, ya kuvuka mipaka. C'est pourquoi Dieu nous a dit, ndio maana Mungu alituambia, nous sommes lumière, sisi ni nuru, et nous sommes na sisi les porteurs de salut, ni wapelekaji wa wokovu. Tu peux retenir ça une fois pour toutes, unaweza kuishika mara moja. Tu es lumière, wewe ni nuru des nations, nuru ya mataifa, et tu es porteur de salut, na wewe ni mpelekaji wa wokovu, jusqu'aux extrémités de la terre. Hadi mwisho wa dunia. Alors nous voulons prendre quelques instants, tunatafuta kuchukua muda mdogo, pour prier. Ili tuweze kuomba. Écoutez-moi bien. Mnisikilize vizuri. La nation Congo